rentre pas ce soir. C'est vrai, je suis stupide. Monsieur me téléphonait d'un restaurant. On a coupé et je redemande son numéro. Excusez-moi, Joseph. Merci. Merci. Bonsoir, Joseph. Si j'en prenais plus, je dormirais mieux. et que si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil. Je m'avais dit que tu téléphonerais et j'avais peur qu'on m'empêche de te parler.